Ah, oh, trop drôle, Mario Yoshi. Oh, les grands classiques. Oui, je me replonge dans les grands classiques, hein, évidemment. Bon, bonjour, monsieur, madame, personne non binaire. Bon, eh bien, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler un petit peu de manipulation psychologique, en jeu de rôle. Alors, pour ça, je vais demander son avis à Sludge, le petit chat mignon. Dis-moi, petit chat mignon, peux-tu me dire, eh bien, comment peux-tu me dire ce que tu penses de la manipulation? Traduction en humain, ça veut dire la manipulation, bah peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors, j'ai à peu près le même avis, mais évidemment, je vais un petit peu t'expliquer eh ben, en détail évidemment. Alors déjà, on va expliquer un peu c'est quoi la manipulation, notamment en cas du jeu de rôle. Eh bien, c'est mentir ou omettre des informations ou cacher ses intentions, en fait, dans le but d'induire un effet, généralement de MJ vers joueuse, mais ça peut être aussi de joueuse vers MJ ou joueuse entre elles. Voilà. Et donc, bah ça, on va déjà voir qu'il y a certaines écoles de jeu où la manipulation est particulièrement encouragée. Alors oui, voilà, parce que la manipulation psychologique, on va dire, dans le monde réel, c'est vu comme étant plutôt immoral. Ça ne se fait qu'en cas de force majeure. Mentir, cacher des informations, essayer de travailler sur les biais cognitifs des personnes. Mais dans le cadre du jeu, ben, ça peut être encouragé, quoi. Typiquement, si on fait un scénario d'enquête, eh bien, on s'attend la plupart du temps à ce que MJ bah, cache des informations, au moins au début, mais demande des fausses pistes et tout, pour avoir un peu le plaisir d'avoir un espèce de combat d'intelligence contre MJ, et puis à la fin, avoir le vrai fond de l'histoire, quoi, tout simplement. Donc, concrètement, on va d'abord revoir justement, c'est quoi les écoles de jeu. Bon, bah, déjà, j'ai parlé de l'enquête, hein, les écoles de jeu où la manipulation, c'est censé être OK. Faire partie du jeu, tout simplement. Alors, donc, au niveau des chapelles, il y a tout simplement, en fait, quand tu veux faire, voilà, mettre en place une intrigue mémorable, ça, tu peux avoir besoin de manipuler. Quand on veut jouer aussi sur les réactions des joueuses, évidemment, tout ce qui est jeu à secret, hein, et c'est tout à fait bien vu de mettre en place de la manipulation. Et puis, on en a parlé dans une vidéo, mais aussi dans le cadre de l'immersionnisme, la manipulation dans le but d'augmenter l'immersion des joueuses, ça aussi, ça peut être entre guillemets bienvenu, quoi, hein. Et enfin, dans le cadre de type de partie où on recherche voilà, des sensations fortes, des émotions fortes, donc là, à nouveau, on se dit que la manipulation, c'est OK, quoi. Maintenant, on va voir un petit peu. On va voir un petit peu, eh bien, quels sont les genres de manipulateurs, quoi. Alors, on va pas se mentir, hein, j'ai dit que ça pouvait être les joueuses, mais la plupart du temps, c'est MJ hein, qui va manipuler. Veut, veut pas, c'est quand même là, c'est comme ça que c'est le plus fréquent. Et en fait, s'il y a pas mal de. Bon, j'ai envie de dire, si on est OK entre nous. Alors là, typiquement, c'est un jeu d'enquête ou c'est un jeu sur les émotions fortes. On va accepter d'être manipulé et, entre guillemets, MJ va manipuler avec de bonnes intentions pour un résultat qui va être apprécié par tout le monde. Mais il y a pas mal de fois où en fait la manipulation pose problème. Déjà, par exemple, quand MJ, bon, je dirais MJ, mais à chaque fois, il faut bien que tu te dises que des fois, ça peut être les PJ, hein, qui manipulent. Bah, le problème vient, c'est quand MJ ne prend pas en compte le risque que ça représente, donc il n'y a pas de dispositif de sécurité émotionnelle. Aussi, quand la manipulation n'est pas annoncée en avant, ça pose souci. C'est quand même bien d'avoir un petit laïus au début en disant, bon, attention, entre guillemets, je suis un MJ sadique, ou alors bah, c'est du jeu à secret, ou il va y avoir des mystères, ou de toute façon, les PNJ vont essayer de vous la faire à l'envers, enfin, tout ce genre de choses, quoi. Le problème aussi, c'est quand MJ croit que les joueuses vont aimer être manipulées, alors que c'est pas forcément le cas. Bon, c'est un peu le fait quand c'est pas annoncé, quoi. L'autre aussi, c'est quand, si tu veux, en fait, MJ, il fait pas ça pour le plaisir des joueuses, mais pour le sien, tu vois, en priorité, quoi. Un petit peu aussi quand les joueuses sont traités comme des rats de laboratoire pour des espèces d'expériences sociales, type expérience de 1000 grammes ou je sais pas quoi, ou de type la vague, voilà, enfin, tu veux refaire la vague en jeu de rôle, tu vois, sans prévenir les joueuses, quoi, juste pour voir ce que ça donne, c'est pas ouf, quoi. Hein. Également, bah, le problème, c'est quand MJ, si tu veux, se croit entre guillemets l'adversaire, voilà, des joueuses, quoi. Et là où ça devient vraiment borderline aussi, c'est quand en fait la partie de jeu de rôle n'est qu'un moyen pour influencer les personnes dans la vraie vie. Mettons par exemple que MJ en fait a un crush sur un joueur ou une joueuse et va utiliser la partie de jeu de rôle, tu vois, pour induire des sentiments parce qu'en fait MJ veut pécho dans la vraie vie. Donc ça, c'est pas oufissime non plus, quoi, hein. Et bah, faut pas oublier qu'en fait, je pense là où ça va, ça à peu près ok, si tu veux, c'est quand MJ va te manipuler, mais vraiment seulement dans la partie de jeu de rôle. Mais en fait, le problème, c'est quand la personne, c'est aussi une personne manipulatrice dans la vraie vie, qu'en fait, il y a juste un continuum de manipulation entre la vraie vie et le jeu de rôle. Et là, on va avoir des dynamiques de groupe particulièrement toxiques avec ce genre de personnes au sein de la table. Hein. Après, bon, voilà, c'est toujours difficile d'identifier clairement un manipulateur, puisque on a des opérations de type gaslighting, où en fait, quand tu es face à un manipulateur ou une manipulatrice, finalement, tu sais jamais, peut-être que tu te fais des idées, que tu es parano et tout. Bah, si la personne cache bien son jeu, justement, tu sais jamais, en fait, si vraiment tu te fais manipuler ou si tu te fais des idées, quoi. Et ça, c'est compliqué, quoi. Bon, je fais une petite pause là dans mon laïus pour parler quand même du sponsor de cette vidéo. Ce sponsor de cette vidéo, ce sont les musiques génériques de Star Wars. Dans une galaxie très lointaine, il y a très longtemps. Je m'enflamme. En fait, bah voilà, si t'es en train de faire un jeu de rôle de science-fiction type Eclipse Phase ou encore Fading Suns et tout, rien de tel que passer les musiques génériques de Star Wars pour sonoriser ta partie, tu es vraiment sûr que ça va totalement sortir les joueuses de l'immersion, qu'elles vont oublier qu'elles sont dans un jeu de rôle qui n'est pas dans l'univers de Star Wars et commencer à balancer plein d'anecdotes de Star Wars. Je suis ton père. Oh non! Ou des polémiques, évidemment, sur quel épisode est le meilleur et surtout quel épisode est la pire bouse qui soit. Oui, je suis scandalisé. Quand je vois Jar Jar Binks, j'ai mal à ma France. Ah oui, mais moi, je trouve que ce qui est encore pire, c'est quand on apprend que Rey est la fille de... Allô, allô, allô, Disney? Non, non, non, c'est bon, je spoilerai pas. Promis, promis. Non, non, m'envoyez pas le SWAT, merci. Ok. Bon voilà, générique de Star Wars, bah, t'as une promo sur toute la collecte, il doit y avoir à peu près 40 CD. Je suis vieux, j'utilise encore des CD. Voilà, à moins 30% si tu utilises le code Outsider 666. Voilà, ensuite, je vais terminer parce que j'ai quand même dit beaucoup de mal de la manipulation, mais bah, je tiens à préciser qu'il y a peut-être, le débat est ouvert, hein, lâchez-vous dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, il y a peut-être des moments où la manipulation est positive. Bon, on a donné le cas d'école de jeu où c'est quand même plutôt admis, hein, que MJ ou joueur se transforme en Puppet Master. Hein. Enfin, dans le cas des Murder Parties, par exemple, généralement, tout le monde y va de bon cœur, hein, y compris les joueuses, par exemple. Hop. Et donc, est-ce qu'il y aurait une manipulation positive? Bon, bah déjà, le simple fait de mettre en place une fiction, enfin, faire ce qu'on appelle du make-believe, enfin, grosso modo, voilà, d'essayer de mettre en place une fiction crédible, notamment dans un cadre immersionniste, bah, c'est une forme de manipulation mentale, quoi. On essaie de te faire croire que ça existe, bon, évidemment, avec ton assentiment, hein. Donc, ça, c'est, voilà, c'est une forme de manipulation mentale qui, en fait, pas tout à fait bienvenue, c'est presque une condition d'existence du jeu de rôle, quoi. Ou je sais pas, des trucs comme être fan du personnage des joueuses, bah ça c'est un peu une forme de manipulation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les joueuses vont faire un truc, tu vas faire, MJ va faire, waouh, trop génial, t'as vraiment une trop bonne idée, tout ça, même si MJ n'en pense pas moins, tu vois. Et en fait, du coup, ça va faire penser aux joueuses que vraiment elles passent un bon moment, voire même ça carrément. Parce que, en fait, faut que tu saches que quand on te fait des compliments, ça a plutôt tendance à améliorer ton jeu. Hein. Donc, leur jeu va s'améliorer par au départ ce qui est un pieux mensonge, quoi. Bon, également, de toute façon, déjà, moi, je pense que la manipulation, c'est OK. Du moment que. On t'annonce la couleur au début. C'est bien aussi quand c'est délégué, quand c'est le système qui s'occupe de manipuler. Je trouve que c'est un petit peu plus safe parce que du coup, c'est pas, voilà, c'est pas MJ qui a besoin de manipuler. Donc, on prend des jeux comme Dogs in Vanyard qui va un peu te mener de façon mécanique vers des dilemmes moraux. Bah, c'est OK parce que MJ, en fait, peut jouer en étant de ton côté sans être ton adversaire, se contente de dérouler le scénario et tout. Et on s'est baladé par le jeu, par la proposition de l'auteur, quoi. Donc ça, c'est pas mal aussi. Hein. Et donc, bah voilà, il y a plein de techniques de manipulation soft. Par exemple, cacher le fait qu'on improvise, tu vois. Ça fonctionne bien, quoi. Et bon, ouais, de toute façon, voilà, tenir compte, si on le fait en tenant compte de la sécurité émotionnelle. Jouer avec la perception biaisée du monde, c'est rigolo, tu vois. Quand, faire des faux jets de perception, éventuellement, pour parler d'un personnage, par exemple, qui a des troubles de déréalisation et tout. Eh ben voilà, c'est une partie des choses intéressantes. Il y a quelques techniques. Bon, je pourrais les énumérer, mais j'ai fait trois gros articles sur la manipulation. Donc, si vraiment tu veux creuser, c'est là-dedans. Parce que là, moi, je vois que je suis... au chrono, Sludge, tu vas dire au revoir à tout le monde, hein, parce que tu as plus de charisme que moi. Alors, qu'est-ce que tu veux leur dire, Sludge ? Bien, bien. Abonnez-vous, mettez la cloche, hein. Mettez des commentaires pour faire grandir la chaîne. Bisous.